Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Qu'est-ce qu'un peuple ? Comment passe-t-on de la foule à la multitude et de la multitude au peuple ? Qui en décide ? De qui et de quoi est-il composé ? Et quel est son pouvoir ? Le contrat social de Rousseau, rédigé en 1762, soulève ces questions. Il n'est pas le premier, mais les réponses qu'il apporte, elles, sont nouvelles et irriguent la pensée politique encore aujourd'hui. Alors avant d'entendre la réponse de Rousseau, voici la description du peuple donnée par Flaubert dans l'éducation sentimentale, 100 ans plus tard, ou comment la description du peuple souverain peut ressembler à une masse désorganisée. Les tambours battaient la charge. Des cris aigus, des hurrahs de triomphe s'élevaient. Un remous continuel faisait osciller la multitude. Frédéric, pris entre deux masses profondes, ne bougeait pas, fasciné d'ailleurs et s'amusant extrêmement. Les blessés qui tombaient, les morts étendus, n'avaient pas l'air de vrais blessés, de vrais morts. Il lui semblait assister à un spectacle. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C'était le peuple. Il se précipita dans l'escalier, en secouant à flots vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules, si impétueusement que des gens disparaissaient dans cette masse grouillante qui montait toujours. Comme un fleuve refoulé par une marée d'équinoxe, avec un long mugissement sous une impulsion irrésistible. En haut, elle se répandit et le chant tomba. On n'entendait plus que les piétinements et tous les souliers avec le clapotement des voix. La foule inoffensive se contentait de regarder, mais de temps à autre, un coude enfonçait une vitre ou bien un vase, une statuette déroulait d'une console par terre. Tous les visages étaient rouges, la sueur en coulait à grosses gouttes. Ils entrèrent dans un appartement où s'étendait au plafond un dais de velours rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entrouverte, l'air hilar et stupide comme un magot. D'autres gravissaient l'estrade pour s'asseoir à sa place. « Quel mythe !» dit Hussonnet. « Voilà le peuple souverain. » Bonjour Frédéric Brahmi. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle La raison du peuple, dont vous étiez venu parler d'ailleurs à ce même micro il y a 2 ans, un héritage de la Révolution française. Et c'est avec vous que nous allons aborder la question du peuple dans le contrat social de Rousseau. Le tour de force de Flaubert dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est de donner une description littéraire du peuple, alors même que le peuple, par définition, n'est pas un objet que l'on peut voir et décrire. Bah oui, c'est très intéressant parce que On pourrait se dire qu'au fond, le peuple n'existe véritablement que dans la rue. Sinon, c'est une abstraction. C'est une abstraction juridique ou c'est une abstraction mythologique. Et pourtant, évidemment, le peuple dans la rue, c'est pas le peuple. Et donc, ça veut dire quoi, c'est pas le peuple? Bah, c'est pas le peuple d'abord parce que ça n'est pas tout le monde. Hein, c'est le peuple qui est dans la rue. Les foules immenses de la Révolution française, le 20 juin par exemple 92, les archives ou les documents nous disent qu'ils étaient 8000. 8000, même s'il y avait moins de Français à l'époque qu'aujourd'hui, 8000 c'est tout petit. Donc de toute façon, l'effet de masse de la rue ne suffit pas à rendre adéquat le peuple en son concept, c'est-à-dire la totalité d'une communauté politique et le peuple qu'on voit dans la rue. Voilà. Donc, et par ailleurs, dans ce texte de Flaubert, on voit bien que la révolution est passée par là, puisque le peuple souverain, voilà le peuple souverain, quel mythe. Avec toute l'ironie qu'on entend dans cette phrase. Ben, évidemment, parce que Flaubert est méchant comme la peste. Donc, le peuple souverain dans la rue, quel mythe. Alors, évidemment, chez Rousseau, ça n'a absolument rien à voir, hein, puisque Rousseau n'est pas véritablement dans le contrat social un penseur de l'insurrection, ni de la révolte. Il dit au début, quand un peuple est soumis ou assujetti à un tyran ou à un régime non libre, eh bien, s'il se révolte, c'est tant mieux. Il fait bien. Dès qu'il peut se révolter, il fait bien, puisque il se libère d'un esclavage. Mais ça ne suffit certainement pas, cette révolte ou cette insurrection, à instituer le peuple en tant que peuple. Rousseau, c'est un penseur, dans le contrat social en tout cas, c'est un penseur de l'institution politique du peuple. Et le schéma à partir duquel il réfléchit n'est certainement pas un schéma insurrectionnel ou révolutionnaire. C'est plutôt un schéma donc de l'auto-institution, de l'auto-constitution du peuple par lui-même, hein, à partir d'une situation où il n'est même pas évident qu'il y ait société antérieure ou groupement, hein, puisque dès le début du contrat social, il dit qu'il suppose que les hommes sont parvenus à un point où ils ne peuvent plus survivre s'ils en restent là où ils en sont, et donc où les obstacles l'emportent sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Donc il va construire le peuple à partir de l'individu et non pas à partir des groupes ou des hordes, ou de proto-société. Dans le contrat social, il pense le peuple à partir d'une situation finalement anthropologique où les individus, chacun, ne peut plus survivre seul. Alors, pourquoi... Et où il va falloir s'associer pour survivre, pour continuer à vivre. Voilà, c'est une question de survie. Oui. Mais pourquoi, si le peuple est une abstraction qu'on ne peut jamais contempler dans sa totalité, hormis les moments où le peuple, et là on parle d'une partie de ce peuple, va dans la rue, pourquoi Rousseau investit-il sa réflexion politique de cette notion à tel point qu'il y consacre quasiment tout le premier livre du contrat social? Pourquoi la notion même de peuple est-elle indispensable à Rousseau pour proposer le contrat social? Parce que Rousseau fait une opération extraordinaire où il dit qu'il n'y a de souveraineté que du peuple. C'est-à-dire qu'il souveraineté fait... légitime. Voilà, il n'y a de souveraineté que du peuple. Partout où ce n'est pas le peuple qui est souverain, en fait, on n'a pas un peuple, on a un maître et des esclaves. Voilà. Donc, le concept de peuple, c'est-à-dire le concept de public, de république, le concept de peuple comme entité politique, est absolument constitutif de sa réflexion politique. Il n'est pas possible de penser le politique sans comprendre l'acte par lequel un peuple est un peuple. Ce qui est extrêmement difficile à comprendre, et c'est l'objet d'un des chapitres justement du contrat social que je vous propose qu'on découvre ensemble, Frédéric Brahami, hein, l'acte par lequel un peuple est un peuple, qu'il faut toujours remonter à une première convention, c'est le titre de ce chapitre, lu par Denis Podalydès. Que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent être. Je ne vois là qu'un maître et des esclaves. Je n'y vois point un peuple et son chef. C'est, si l'on veut, une agrégation, mais non pas une association. Il n'y a là ni bien public, ni corps politique. Cet homme, eût-il asservi la moitié du monde, n'est toujours qu'un particulier. Son intérêt, séparé de celui des autres, n'est toujours qu'un intérêt privé. Si ce même homme vient à périr, son empire, après lui, reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout et tombe en un tas de cendres après que le feu l'a consumé. Avant donc d'examiner l'acte par lequel un peuple élit un roi, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple. Car cet acte étant nécessairement antérieur à l'autre, est le vrai fondement de la société. Et le suspense reste entier, Frédéric Brahami, parce qu'on a le diagnostic, mais pas encore la solution. Hein. Comment examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple? Rousseau nous donne quand même un indice. Hein. Il y a une différence entre soumettre une multitude et régir une société, c'est-à-dire qu'il faut se défaire du modèle du maître et de l'esclave, comme il faut se défaire du modèle du père envers sa famille, pour penser la constitution d'un peuple en politique. Absolument. Et en ce sens-là, c'est un penseur profondément révolutionnaire, puisqu'il nous explique que ce qui est constitutif de toutes les sociétés qu'on a empiriquement vues à travers l'histoire, c'est-à-dire la différence entre gouvernant et gouverné, la dichotomie entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui subissent le pouvoir, eh bien cela est ce qui empêche qu'on puisse parler d'un peuple. un maître et des esclaves, un despote et des sujets, etc., etc. Tout cela, finalement, qui scinde la société en la hiérarchisant entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'ont pas le pouvoir, eh bien, tout cela exclut qu'on puisse parler de peuple. Et donc, il se pose la question, si vous voulez... Il construit le concept de peuple, en fait. Hein. Un peuple ne peut pas être soumis à une autorité qui exerce le pouvoir sur lui. Mais là, on n'a pas un peuple, on a des esclaves. Mais son contemporain Hobbes, qu'on tient aussi pour un contractualiste, n'a-t-il pas également employé le concept de peuple pour penser une soumission à un souverain qu'il aurait unanimement désigné? Oui, oui, bien sûr. Dans le Léviathan, hein, on passe aussi de la multitude hein, à la cité et de la multitude au peuple. Évidemment, Rousseau construit sa pensée politique dans le contrat social en discutant Hobbes et en retournant Hobbes contre lui. Donc la thèse de Hobbes, ça consiste à dire que le contrat, si on regarde, c'est un transfert de droit. 10 personnes veulent s'associer parce que chacun tout seul est trop faible pour surmonter les dangers qui mettent sa vie en péril. Donc ils veulent s'associer. C'est une suite de contrats synalagmatiques, c'est-à-dire que chacun contracte avec un autre, puis un autre, puis un autre, etc. Mm-hmm. Et de la totalité de ces contrats émerge quoi? Chez Hobbes, les contractants donnent le pouvoir à un autre, qu'ils appellent le souverain, à qui ils donnent le droit de les gouverner. Mais ce souverain lui-même est extérieur et il n'est pas, lui, lié par le contrat. Autrement dit, il y a transfert du droit de chacun de se gouverner à un tiers qui est au-dessus, en quelque sorte, de la société, même s'il tient son pouvoir de la société, des contractants, et qui va exercer un pouvoir absolu sur eux. C'est ça que Rousseau n'accepte pas. Parce qu'il y a une forme de despotisme qui peut s'engendrer naturellement. Bien sûr, Hobbes, c'est quand même quelqu'un qui a dit que ceux qui font une distinction entre le tyran et le roi sont plus ou moins séditieux. En vérité, le souverain peut, si on veut, être un tyran. Et même, alors c'est très compliqué, Hobbes, parce que il dit aussi que même dans une monarchie, hein, c'est le peuple qui exerce l'imperium, c'est le peuple qui exerce le pouvoir, parce que le souverain ne tient son pouvoir que du contrat. Donc en ce sens, on peut dire qu'on a en effet chez Hobbes des éléments de libéralisme ou même de démocratie parce que c'est le peuple qui exerce le pouvoir. La légitimité vient du peuple. Mais le transfert de pouvoir, le fait que le souverain soit hors société en quelque sorte et qu'il exerce un pouvoir absolu sur la société, c'est ce qui fait pour Rousseau que le schéma hobbesien du politique n'est pas acceptable. En fait, dans le contrat de Rousseau, chacun contracte, non pas avec l'un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, mais avec le tout. C'est-à-dire que c'est au moment du contrat que la totalité du corps politique comme peuple se constitue. C'est ce qu'on appelle la volonté générale dont on parlait absolument hier. Absolument. Mais ce qui compte, c'est que le souverain ne peut pas être quelqu'un ou quelque chose, une entité qui soit extérieure à l'association. Et c'est pourquoi seule la volonté générale, en fait, est le souverain, c'est-à-dire le peuple. C'est là où c'est difficile de penser Rousseau dans son caractère, dans son applicabilité. Autant Hobbes, avec les limites qu'inclut le contrat social, enfin le contrat tel qu'il est pensé par Hobbes, est facilement représentable pour nous. Bah, chacun décide, parce que c'est dans son intérêt privé, de remettre, de transférer sa liberté entre les mains d'un souverain absolu, et donc possiblement tyrannique. Autant chez Rousseau, cette idée d'un contrat de chacun avec tous, sans qu'il y ait de délégation forcément extérieure ni de représentant, paraît difficilement concevable. Donc je vous repose la question qui est la question de cette émission. Comment concrètement est-ce qu'un peuple se constitue comme peuple? Comment est-ce qu'on peut avoir simultanément tous les individus qui forment une société ou une multitude qui se mettent d'accord pour signer le même contrat qui consiste à garder leur liberté tout en la transférant à un tout qui les représente en retour? Alors, c'est difficile parce qu'on pense nos sociétés, c'est difficile parce que on pense de grands États, des nations constituées. Mais est-ce que c'est si difficile que ça au plan des principes ? Alors, Rousseau ne dit pas exactement que le contrat social n'est possible que dans des toutes petites sociétés. Mais enfin, ça aide quand même. Un peu quand même, oui. Voilà. Aide quand même de le penser dans une toute petite société. Imaginons 10 personnes qui ont besoin de s'associer pour survivre. Pour lutter, je sais pas, moi, contre une inondation, n'importe quoi. On peut imaginer des obstacles qui font que tout seul, ils seront pas assez forts. Donc, ils sont pas plus que 10. Ils vont s'associer. Quel est leur problème? S'associer tout en restant aussi libre qu'auparavant. D'accord ? Donc, ça, on peut dire, ça, c'est la quadrature du cercle. Comment est-ce qu'on peut s'associer aux autres tout en restant aussi libre que quand on n'était pas associé aux autres ? Tel est le problème dont le contrat social forme la solution. Imaginez que nous soyons 10. Ce que dit Rousseau, c'est que nous allons nous associer, c'est-à-dire que nous allons trouver ce que nos intérêts ont en commun. C'est très frappant de voir que chez Rousseau, il n'y a pas, à ma connaissance, hein, je peux me tromper, mais je crois qu'il n'y a pas le syntagme dans le contrat social intérêt général. Il y a volonté générale, mais il parle souvent d'intérêt commun ou d'intérêt public. Quelle différence ? Ah ben c'est très important. L'intérêt général étant général pourrait finalement, en quelque sorte, s'autonomiser et se retourner contre l'intérêt de chacun. L'intérêt commun, nous dit Rousseau, c'est quoi ? Ça n'est rien d'autre que ce qu'il y a de commun dans nos intérêts. Et c'est ça qu'on associe. Vous et moi, nous avons plein d'intérêts divergents, ou plein d'intérêts qui n'ont rien à voir, mais nous avons aussi des intérêts communs. Qui fait qu'on peut faire une émission ce matin, voilà, par exemple. Nous avons des intérêts communs. Eh bien, l'association, ça consiste, grâce à la délibération, à dégager ce que c'est que nos intérêts communs, et à accepter de nous conduire conformément à ce qu'implique l'intérêt commun. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué, finalement, à ça, dès lors qu'on pense des petites associations? Bah, vous le dites bien. Ce qui est compliqué, c'est quand on pense à une plus grande échelle. Qu'à l'échelle de 10 personnes, on y arrive. À l'échelle locale, pourquoi pas, d'une municipalité, pourquoi mais pas, d'un pays. Mais ce qui compte pour Rousseau, c'est d'établir les principes du politique, en quelque sorte. Vous savez, Rousseau n'a pas écrit, je crois, hein, le contrat social. C'est pas le manifeste du Parti communiste du 18e siècle. C'est pas quelqu'un qui dit peuple ou individu du monde entier, unissez-vous. Il sait très bien que la République dont il trace les principes dans le contrat social n'est pas un modèle à appliquer mécaniquement. Il a d'ailleurs lui-même travaillé sur la Corse, sur la Pologne. Donc il sait très très bien que, et il a travaillé au début de l'Émile sur l'Europe. Il dit au début de l'Émile, il faut effacer de nos langues modernes les mots citoyen et patrie. Donc il est tout sauf naïf là-dessus. Simplement, il établit les principes constitutifs. Et il dit, si vous voulez une république, alors voilà ce qu'il faut faire. Sauf que quand on parle du peuple, le problème est que ce n'est pas simplement un principe, c'est aussi un fait. Et c'est cette tension qui traverse le texte et qui peut poser problème en politique. Il n'y a pas simplement le peuple comme principe politique, il y a le peuple comme existant, comme chaque membre qui constitue cette idée. Oui, et donc ? Et bien du coup, ça vient mettre à l'épreuve quelque chose qui serait simplement théorique. Vous dites qu'il essaie de définir des principes politiques, certes, mais il y a forcément une réalité à laquelle il doit se heurter. Oui, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle, dans les chapitres qui suivent celui du législateur, hein, à la fin du livre 2, il parle du peuple, et il parle des peuples qui sont corrompus, des peuples qui sont envieillis dans leurs préjugés, etc. Et il dit là, c'est à peu près, c'est très invraisemblable qu'on puisse réussir à les réformer. On ne refera pas Sparte. Ni Rome. Voilà. Donc, il tient compte de ça, mais comment... Je sais pas, c'est comme si vous me disiez personne n'a jamais traversé son existence sans mentir, donc l'impératif de dire la vérité, c'est pas terrible. Donc, il faut le prendre comme une espèce d'idée régulatrice. Alors oui, faut pas plaquer du Kant dessus, je fais l'analogie pour simplifier, mais il établit les principes du droit, et je crois qu'il dit, si vous voulez vivre dans une république, si vous voulez être libre, si vous voulez la souveraineté populaire, voilà ce qu'il faut. Alors, on va mettre à l'épreuve, hein, nous-mêmes au cours de cette émission, ce qu'il dit avec un exemple très, très pragmatique et très clair, puisque quelques années après la rédaction du contrat social, voit avoir lieu la Révolution française. Certains, d'ailleurs, acteurs de cette Révolution française vont se revendiquer, hein, vont brandir le contrat social de Rousseau comme un alibi, parfois en faisant un contresens. Voici quelques modalités de l'expression de la voix du peuple qui vient contredire son souverain, en l'occurrence c'était le roi. Et puis on a mis en parallèle avec des éléments du grand débat qui s'est passé ces derniers mois en France. On n'est pas dans une monarchie, mais finalement vous allez voir que l'expression des doléances peut prendre un peu la même forme. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Je me présente. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Moi j'en ai assez de remis des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées sont abolies? C'est ça, oui. Et vraiment, le travail, il faut qu'il soit récompensé. Et la gamelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, c'est vrai. Si vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. L'ISF, c'est quoi? C'est 4 milliards et demi. La fraude fiscale, c'est combien? Il y en a qui disent que c'est 80 milliards. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Est-ce qu'il n'est pas temps, monsieur le président, de faire en sorte que l'État, dans la situation dans laquelle nous sommes, économise l'argent public? Parfaitement. Vous comprenez bien que la taxe carbone, pour nous, c'est... Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Difficilement supportable. Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! Vous écoutez France Culture, le chemin de la philosophie. Nous parlons du contrat social de Rousseau cette semaine et aujourd'hui du peuple. Comment le peuple peut-il s'instituer comme peuple? Vous venez d'entendre un montage réalisé par Thomas Beau, entre d'un côté un extrait du film La Révolution Française, réalisé par Robert Enrico et Richard Efron, qui est sorti en 89 pour le bicentenaire de la Révolution Française, et des éléments du grand débat qui a animé ce début d'année 2019 en France. Frédéric Brahmi, quand on entend les deux monter côte à côte, on entend une même expression des doléances, alors même que la situation est très différente. Et je me demande, en lisant le contrat social justement, si finalement le problème n'est pas identique, dans la mesure où le problème n'est pas forcément l'absence de représentation, mais au contraire le fait que le peuple n'a pas réussi, ne s'est pas suffisamment constitué comme peuple. Et c'est pour ça qu'en fait que les mêmes problèmes politiques se posent en permanence. Oui, absolument. Quelqu'un comme Rousseau dirait, on n'aurait pas de mal à déduire du contrat social que les doléances, etc., de toute façon sont le signe que quelque chose ne va pas. Parce que si vraiment le peuple est souverain, alors il peut pas se trouver dans la situation où il va avoir à demander de l'égalité, de la liberté. Et aussi, vous avez entendu, la question de l'humiliation, donc la question de la dignité est quand même très présente dans ce discours. Il ne peut pas être dans une situation où il va avoir à demander de l'égalité et de la liberté, parce que si le peuple est souverain, ça ne peut jamais dégénérer au point qu'il y ait des doléances. Voilà. Et alors, c'était très intéressant d'entendre ce montage, parce que on voit à quel point égalité et liberté vont ensemble. C'est absolument indissociable. Ça, c'est difficile à comprendre aussi, parce qu'aujourd'hui on oppose les deux, hein, politiquement. On oppose les deux politiquement, mais en même temps, bon, enfin voilà, c'est ce que Étienne Balibar appelle la proposition de l'égale liberté. En vérité, c'est indissociable. Et Rousseau lui-même le dit. Il y a un passage justement sur qui est très intéressant sur l'égalité et la liberté. Hein, c'est dans le chapitre 11 du livre 2. Bon, la liberté, c'est évidemment le fait que je n'obéisse à personne, hein, puisque je suis dans une république, pour autant que je suis moi-même membre du souverain. Et donc, en tant que je suis membre du souverain, ben, je suis actif, je suis citoyen. Et puis, en tant que j'obéis à la loi à laquelle j'ai participé, je suis sujet de l'État. Donc la liberté ne pose aucun problème théorique. Maintenant, la question, c'est la question de l'égalité. Qu'est-ce qu'on entend par égalité? Est-ce que c'est seulement une égalité de droit? Si c'est ça, c'est très abstrait, parce qu'on sait très bien que selon la place qu'on a dans la hiérarchie sociale, cette égalité de droit, par exemple l'égalité de voter, hein, le fait qu'on soit tous soumis à la même loi, etc., elle ne va pas du tout avoir la même signification. Alors Rousseau, c'est pas un homme du 19e siècle, c'est pas un homme qui va penser aussi fortement que des Saint-Simoniens ou des Proudhoniens ou des marxistes. Il va pas penser le problème de l'égalité dans les mêmes termes que. Mais quand même, il montre bien que à partir d'une certaine inégalité, à partir d'un certain écart dans l'égalité des hommes, en fait, la liberté n'est plus possible. Et donc, voici ce qu'il dit au chapitre 11 du livre 2. À l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes. Donc, c'est pas l'égalité du niveau, tout le monde ayant exactement les mêmes revenus, etc. Mais que faut-il entendre quant à la puissance, elle soit au-dessous de toute violence et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois. Et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la limite des inégalités supportables, c'est quand, en fait, les inégalités sont telles qu'elles détruisent la liberté. Si je dois me vendre pour survivre, alors il n'y a plus de liberté dans le corps politique. Mais de quelle liberté parle-t-il ici ? La liberté de l'individu, c'est la liberté d'agir comme il l'entend ? Non, la liberté du citoyen, c'est-à-dire c'est être libre, c'est n'obéir à personne, en particulier n'obéir qu'à la loi. La liberté, ça consiste à obéir à la loi qu'on s'est donnée. D'où l'importance, et on en parlera demain, pour Rousseau, des chapitres sur le législateur. Qui fait la loi et comment la loi peut-elle représenter un intérêt particulier ? Absolument. Mais là, si vous voulez, la question elle est très intéressante, parce que Rousseau dit, si je suis dans une situation sociale où je dois me vendre pour survivre, le corps social est détruit. Parce qu'il y a un esclave dans le corps social. Me vendre, il faut l'entendre au sens de Marx, c'est-à-dire que les contrats sont inégaux et quand un contrat est signé... Qu'est-ce qu'il entend par là ? Je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Si un homme est assez riche pour en acheter un autre, et si un homme est dans une situation de telle détresse matérielle qu'il doit se vendre pour survivre, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'un contrat entre un employeur et un employé, c'est une vente ? Sans doute pas. Mais on peut imaginer que si je suis dans une situation où mon employeur, sachant que je ne trouverai jamais de travail ailleurs, etc., etc., je suis pieds et poings liés, s'il me dit, dimanche matin, tu viendras passer l'aspirateur dans ma voiture et la passer au lavage, alors là, je suis réduit en esclavage. Mais est-ce que c'est... Parce que je suis dans une situation où... Le contrat, en fait, c'est du vent. Le contrat de travail, par exemple, est du vent. Et où je suis dans une situation où je deviens dépendant de son bon vouloir. Et ce que dit Rousseau, là, c'est que dans ce cas-là, il n'y a plus de liberté et que donc le corps politique est détruit par les inégalités sociales. Mais les inégalités... Je ne suis pas en train de faire de Rousseau ni un socialiste, ni même un proto-socialiste. Je ne crois pas que ce soit intéressant. Je trouve, en effet, vous avez raison, c'est très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire vendre ? Je suis dans la situation d'avoir à me vendre. Peut-être que je me vends dès lors que on va me demander de faire quelque chose qui n'est pas, en fait, dans un contrat acceptable. Mais il faut comprendre que pour Rousseau, le contrat et le contrat social a pour fonction de rétablir une égalité et une liberté, voire même de les préserver, quand l'état naturel, parfois, n'engage pas justement cette égalité et cette liberté. Ce que vous dites, les relations de domination d'un individu à l'autre, c'est quelque chose de très courant, de très fréquent, qui passe pas forcément par un contrat. Il y a des hommes qui dominent d'autres hommes, que ce soit moralement, psychologiquement, économiquement, peut-être. Et le but du contrat est de faire en sorte que cette domination soit régulée, qu'elle soit remise entre les mains, enfin, qu'elle s'inscrive dans un espace dit public, voire politique, qui lui a pour fonction de préserver une forme d'égalité entre l'individu quand la nature vient la rompre. Absolument. Il y a une correction, en fait, apportée par le contrat social. C'est compliqué. C'est-à-dire, en vérité, absolument parlant, le but du contrat est de trouver une forme d'association qui nous permette de vivre, de survivre, je rappelle, parce que c'est le point fondamental, tout en restant aussi libre qu'auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, la liberté à l'état de nature. Qu'est-ce que c'est la liberté à l'état de nature ? C'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Quand on est adulte. Pardon ? Quand on est adulte. Ça vous montre bien sûr, que c'est l'indépendance. Bien sûr. On n'est pas indépendant. On est complètement indépendant. Mais c'est l'indépendance à l'état de nature. Et Rousseau a une très très belle définition de la liberté naturelle dans l'Émile, où il dit « Est libre l'homme qui n'a pas besoin de mettre les bras d'un autre au bout des siens pour faire ce qu'il veut ». C'est une très très belle définition, d'abord parce que c'est une définition matérialiste un petit peu de la liberté, c'est-à-dire que tout ce que je peux faire tout seul, c'est l'extension de ma liberté. Ce que je ne peux pas faire tout seul, et ça commence très vite, monter une armoire au troisième étage, je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin des bras d'un autre au bout des miens. À partir de ce moment-là, je ne suis plus dans l'indépendance. Parce que, alors, je peux être soit dans la dépendance, donc ça c'est le cauchemar, c'est la société telle qu'elle existe, d'accord ? Soit dans l'interdépendance, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on s'associe. On s'associe parce qu'on trouve un intérêt commun. Tu m'aides à monter mon armoire au troisième étage, mais moi, tout à l'heure, je vais t'aider monter ton frigo au troisième étage. Bon. Donc, on s'associe parce qu'on a un intérêt commun. Tout seul, je ne vais pas pouvoir le monter. Et lui, tout seul, il va pas pouvoir non plus la monter. Donc, on a un intérêt commun. Mais l'association ne porte que là-dessus. Et là, on a bien une interdépendance. Je suis dépendant de lui. Il est dépendant de moi. Et d'une certaine manière, je suis bien aussi libre qu'auparavant, même si cette liberté n'est plus une liberté d'indépendance de l'homme solitaire à l'état de nature, mais une liberté socialisée. Donc, si vous voulez, l'origine, c'est la liberté d'indépendance. À l'état pur, c'est je n'ai pas besoin des bras d'un autre. Là, je fais ce que je veux parce que je ne veux que ce que je peux. Dit Rousseau. Et puis, à partir de là, dès lors que les hommes se socialisent, vous avez une socialisation catastrophique qui se fait par l'amour propre, la fureur de se distinguer, la volonté de dominer, et qui aboutit en bout de course, ça c'est dans le second discours, au désir secret qu'il y a dans le cœur de tout homme de tuer les autres ou de les asservir. Et puis, vous avez la socialisation heureuse dont le contrat social donne la formule. Alors, toute la question de savoir comment le peuple constitué comme peuple au moment du contrat social ou du pacte social, puisque les deux termes sont employés, peut être compatible avec un État, une nation, une entité collective. Alors je propose qu'on entende d'abord un exemple contemporain de l'institution d'un peuple par lui-même, d'une institution problématique et douloureuse. Il s'agit du peuple catalan. Et ensuite, on écoutera un extrait du peuple comme nation, tel qu'il est évoqué par Rousseau dans le contrat social. Écoutez l'un puis l'autre et vous verrez en quel sens Rousseau, à l'époque, en 1762, nous a déjà donné des éléments pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes arrivés à ce moment historique. En tant que président de la région catalane, je suis venu présenter les résultats du référendum. Face à vous, face à nos concitoyens. Le mandat du peuple est que la Catalogne doit devenir un État indépendant sous la forme d'une république. Monsieur Puigdemont a un problème, c'est qu'il parle du peuple catalan. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un peuple catalan. Il y a un peuple catalan qui est pluriel, qui n'est pas indépendantiste. L'indépendantiste, c'est une minorité. Et alors, s'il s'agit de négocier sur l'indépendance ou sur l'indépendance, il n'y a pas moyen de dialoguer. Un coup d'État a été donné. Et c'est un coup d'État qu'aucun État démocratique ne peut tolérer. Alors, quelle sera la réaction? L'Espagne réagira comme n'importe quel État démocratique, comme la France le ferait, pour rétablir l'état de droit, le respect de la loi, pour garantir les droits et les libertés fondamentales de tous les Espagnols, y compris des Catalans. Comme avant d'élever un grand édifice, l'architecte observe et sonde le sol, pour voir s'il en peut soutenir le poids, le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes lois en elles-mêmes, mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter. Il est, pour les nations comme pour les hommes, un temps de maturité qu'il faut attendre avant de les soumettre à des lois. Mais la maturité d'un peuple n'est pas toujours facile à connaître, et si on la prévient, l'ouvrage est manqué. Tel peuple est disciplinable en naissant, tel autre ne l'est pas au bout de 10 siècles. Les Russes ne seront jamais vraiment policés parce qu'ils l'ont été trop tôt. Pierre avait le génie imitatif. Il n'avait pas le vrai génie, celui qui crée et fait tout de rien. Quelques-unes des choses qu'il fit étaient bien, la plupart étaient déplacées. Il a vu que son peuple était barbare, il n'a point vu qu'il n'était pas mûr pour la police. Il l'a voulu civiliser quand il ne fallait que la guérir. Il a d'abord voulu faire des Allemands, des Anglais, quand il fallait commencer par faire des Russes. Il a empêché ses sujets de jamais devenir ce qu'ils pourraient être, en leur persuadant qu'ils étaient ce qu'ils ne sont pas. C'est ainsi qu'un précepteur français forme son élève pour briller un moment dans son enfance et puis n'être jamais rien. « pour que le peuple se constitue comme peuple, il faut prendre en compte ce qu'on pourrait appeler un sens de la nation. C'est ce que semble dire Rousseau dans cet extrait, Frédéric Brahmy, où il prend l'exemple de Pierre le Grand, qui était tsar de Russie en 1682 et qui a échoué à instituer un peuple russe parce qu'il voulait faire de son peuple des Anglais ou des Allemands, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des Russes. L'exemple du peuple catalan illustre-t-il ce que diagnostique ici Rousseau ? Est-ce que c'est assez effrayant ? Il a l'air de dire qu'il y a des peuples qui sont faits pour être des peuples, enfin des cultures qui sont faites pour être des peuples et d'autres qui en fait n'y arriveront jamais. Oui, c'est très compliqué évidemment cette histoire de peuple et de nation. Alors, je pense que Rousseau, vous savez, au XVIIIe siècle, il y avait une très belle expression, on parlait des caractères nationaux. Dans la philosophie écossaise, chez Montesquieu, etc. Voilà, on pense qu'il y a des caractères nationaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils essentialisaient les nations, bien sûr. Quelqu'un comme Hume, par exemple, qui parle des caractères nationaux, ne croit certainement pas que les nations sont des nations par essence, elles sont construites. Bon, donc vous avez une construction historique, vous avez une culture, d'accord, qui fait que quelque chose comme une nation, des gens qui vont se reconnaître dans une culture, dans des manières d'être, dans des costumes, dans des façons de marcher, de parler, vont se reconnaître comme appartenant finalement à la même histoire. Alors, la question c'est comment est-ce qu'une nation se constitue et se définit comme nation. Vous voyez, c'est pas du tout la même question que comment un peuple se constitue comme peuple, parce qu'il s'agit pas des principes de l'association, il s'agit de culture, là. Mais le peuple sans nation n'est pas concevable non plus. Alors voilà, exactement. Et là, il y a un côté très, très, très réaliste de Rousseau, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à dire que la nation se constitue comme nation d'abord par l'amour de la patrie. Si vous voulez faire des Polonais, il faut. Si Pierre avait voulu faire des Russes, il aurait fait des Russes. Il a voulu faire des Allemands, donc il a raté son coup. Et dans les considérations sur la Pologne, il dit si vous voulez faire des Polonais, cultiver dans le peuple polonais tout ce qui peut le pousser à détester les Russes et les Allemands. Eh oui. Et donc Rousseau sait très bien que si vous voulez faire une nation, si vous voulez avoir un esprit patriotique, c'est-à-dire un esprit où les citoyens vont accepter de se sacrifier pour la patrie, alors il y a des ennemis, il y a des autres. Rousseau dit pas que c'est bien, du tout. Simplement, il dit... il faut ce qu'il faut. C'est Rome, c'est Sparte, c'est des petites républiques. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un arrière-plan schmittien chez Rousseau. Il ne s'agit pas de désigner l'ennemi. C'est pas la désignation de l'ennemi, et moins encore de l'ennemi intérieur, qui est le principe constitutif de la politique. C'est ce que pense Carl Schmitt. Voilà. Mais donc Rousseau, ça n'est pas ça du tout. N'empêche que les vertus du patriote, elle suppose quelque chose comme une acceptation de faire la guerre. Et donc, il faut aussi développer dans la nation les vertus militaires. Alors, maintenant, je vais pas discuter sur la Catalogne ou l'Espagne. Là, il y a une rivalité sur la nationalité. C'est-à-dire, en fait, les Espagnols disent « Mais non, la Catalogne n'est pas... » C'est peuple, ce que disait l'ambassadeur espagnol en France, qu'on a entendu, Fernand. Et les Catalans disent, mais si, voilà. Et évidemment que toute cette histoire entre les Catalans et les Espagnols, ou de la Catalogne en Espagne, elle est liée à la violence qu'il y a eu, c'est-à-dire à la guerre civile, aux politiques de persécution effective ou ressentie des uns par les uns, etc., etc. Et donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose comme une inimitié ou une hostilité ou une brutalité, une agressivité qui fait qu'un peuple se constitue, comme nation, pas comme peuple, qu'un peuple va se constituer comme nation dans une situation de rivalité avec les autres peuples. Bien qu'on l'a vu Rousseau hier, en est parfaitement conscient. Mais bien qu'on l'a vu hier, il donne aussi des éléments pour penser une constitution européenne. Ah mais bien sûr, c'est-à-dire que donc pour l'ennemi lui, n'est pas forcément celui du pays juste à côté. Enfin, encore une fois, il dit pas du tout que c'est bien. Simplement, il dit si vous voulez des patriotes. Il faut pousser les vertus de sacrifice, etc. Vous savez, Rousseau, c'est encore une fois, c'est pas quelqu'un qui milite en faveur des petites patries. Il est pas pour la restauration de Sparte. Je pense que pour lui, l'avenir, c'était plutôt une civilisation européenne pacifiée et vivant. vivant selon une morale de l'esprit de l'évangile. Vous voyez, c'est pas du tout quelqu'un qui appelle à l'avenir des petites républiques hostiles, guerrières, où chacun a l'arme au pied et où on va mourir pour la patrie. Je crois pas que c'est du tout l'horizon qu'il voyait ou qu'il voulait pour l'humanité à venir. De même que par peuple, il n'entendait pas le peuple au sens où on peut parfois employer ce terme pour désigner le petit peuple, le peuple qui est dans la rue, ou aujourd'hui les gilets jaunes. Le peuple, il faut pas l'entendre comme ça pour lui-ci. Ça dépend. Enfin, il y a pas dans le contrat social en tant que tel, il y a pas véritablement de dimension sociologique du peuple. Mais ce qu'il y a quand même de très impressionnant chez Rousseau, c'est que les trois aspects du concept de peuple, qu'il est très difficile de bien articuler ensemble. Donc le principe. C'est-à-dire le peuple du contrat social, donc le peuple politique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est citoyen d'un État libre, d'une cité. Comment est-ce qu'on est citoyen libre d'un État libre. Ça, c'est le peuple au sens de populus. Bon. Et puis, vous avez le peuple au sens ethnique, on vient de le voir, les Polonais, enfin ethnique entre guillemets, bien sûr, au sens des caractères nationaux, si vous voulez, les Polonais, les Russes, les Allemands, les Anglais, etc. Il en parle, il le théorise. Et puis, vous avez le peuple au sens social. Alors, le peuple au sens social, ça veut dire deux choses en vérité. Ça veut dire la masse, les plus nombreux, parce qu'il se trouve que c'est comme ça. La majorité des gens sont du peuple, et ça veut dire aussi les plus pauvres, parce qu'il se trouve que les plus pauvres sont les plus nombreux. Et là aussi, il y a une réflexion sur le peuple social. Par exemple, dans l'Émile, il n'hésite pas à dire que c'est le peuple au sens social, c'est-à-dire au sens de la partie la plus pauvre et la plus nombreuse de la société, c'est le peuple qui compose le genre humain. Donc 90% valent pour 100%, en fait. C'est le peuple qui compose le genre humain, ce qui n'est pas peuple est si peu de choses que ce n'est pas la peine de le compter. Donc là, il pense à quoi ? Ce qui n'est pas peuple, c'est quoi ? C'est l'aristocratie ? Alors, un peu plus bas, il parle des gens du monde. Alors les gens du monde, ça a disparu dans notre monde. Enfin, en fait, c'est les riches. Hein. Et il dit le peuple n'est pas aimable. Ça n'a pas disparu. Il dit le peuple n'est pas aimable, mais les gens du monde, il faut bien qu'ils se déguisent, car s'ils se montraient tels qu'ils sont, ils feraient horreur. Donc le peuple est grossier. Vous voyez, il y a ça chez Rousseau. Hein. Le peuple est grossier, il est frugal, il est un peu brut de décoffrage, il connaît pas, les mots raffinés, etc., etc. Les gens du monde, eux, qui sont très cultivés, très raffinés, très décents, en fait, c'est le summum de l'indécence, parce que cette décence n'est là que pour couvrir ce qui est le fond de leur âme, à savoir la fureur de se distinguer. Et lui se situe où, Rousseau ? Vous savez, Mestre, jamais avec les autres. Hein, Joseph de Maistre disait « Rousseau n'a jamais pardonné à Dieu de ne pas l'avoir fait naître père et duc ». Donc Rousseau, il est évidemment du peuple. Hein, il est évidemment du peuple, mais peut-être qu'il joue aussi, évidemment, qu'il joue aussi à être du peuple. C'est-à-dire qu'il refuse avec beaucoup d'ostentation tout ce qui pourrait signifier une appartenance à la classe dominante. Et donc on lui a beaucoup reproché de faire comme s'il était du peuple, alors qu'en fait il faisait bien partie du monde des mondains. Donc je ne sais pas à quelle classe il appartenait, c'est pas très très important. Alors ce qu'il y a d'important, c'est est-ce qu'on a une mystique du peuple là dans ces textes, quand il dit alors oui, le peuple il est un peu grossier, etc., mais en fait il est beaucoup plus pur que les gens du monde, les riches qui sont odieux, qui doivent se cacher, sinon on se boucherait le nez. Il y a sans doute quelque chose comme ça, hein, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que la situation, enfin il faut faire une interprétation moins psychologisante, la situation sociale du peuple fait que de toute façon il n'est pas pris dans les mêmes jeux d'amour propre que dans les classes supérieures. Pourquoi ? Parce que dans les classes, on est pauvre, mais on a le temps de. Mais c'est pas ça, si vous voulez, quand on est pauvre, il n'y a pas énormément de points de différence. Il y a une telle égalité matérielle, sociale entre les pauvres que la fureur, le goût de la distinction qui est présent partout dès lors que les hommes sont dans des situations de socialité, le goût de la distinction ne peut pas en venir à un point de fureur. Vous pensez ? Oui, je pense que. Quand vous n'avez pas de quoi vous distinguer trop, Il y a parce que toujours de, toute façon... de quoi se distinguer. Non, mais... Il y a dans une cour d'école un tel habit, telle trousse, telle cartable, pas par l'argent et donc, mais bien sûr, il y a le besoin de se distinguer est constitutif de la vie sociale. Dès lors qu'il y a société, chez Rousseau, il y a amour propre et l'amour propre, c'est le besoin de se distinguer. Mais il ne faut pas confondre le besoin de se distinguer et la fureur de se distinguer. Et la fureur de se distinguer, évidemment, qu'elle s'emballe dès lors qu'il y a les moyens matériels pour se distinguer. Des gens qui ont des revenus à peu près équivalents vont chercher à se distinguer par la beauté, par je ne sais quoi, tout ce que vous voulez, mais pas par la richesse et du coup pas par la domination sociale, au sens où l'avidité, c'est-à-dire la supériorité et l'inégalité des richesses, est pour Rousseau le moteur quand même fondamental de la domination. Vous voyez. Et juste, vous parliez de mystique du peuple en questionnant cette présence d'une mystique du peuple dans le contrat social. Est-ce que c'est un lien avec la fin du contrat social sur la religion civile? Est-ce que là, on peut entendre une forme de mystique ou est-ce que les choses sont distinctes? Non, pas du tout. Enfin, je pense que la religion civile, c'est véritablement elle répond à un problème qui est celui de maintenir ensemble une communauté dans un monde où on ne peut plus imposer un dogme. On ne peut plus imposer une religion et en même temps, si on laisse les religions dans une relation de total libéralisme, alors il risque soit d'y avoir des guerres de religion, soit de l'indifférence, etc., etc. Et donc la religion civile, c'est en quelque sorte une méta-religion qui a pour but de rendre compossible l'existence de plusieurs dogmes. Ça n'a strictement rien à voir avec ce à quoi je pensais là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une mystique du peuple chez Rousseau, c'est-à-dire le peuple serait plus vertueux, voilà, il y aurait une vertu intrinsèque du peuple. Alors je ne crois pas, mais en même temps, je pense, parce que c'est pas une mystique du peuple, c'est-à-dire Rousseau dit même dans le texte de l'Émile, le peuple n'est pas aimable, si vous voulez, il n'y a pas de naïveté, hein, le peuple n'est pas aimable, voilà. Il a des et en plus le peuple socialement, la société, l'inégalité sociale effective produisent des vices. C'est-à-dire il est envieux, il le dit, il est envieux, jaloux, il y a du ressentiment, il y a de la paresse, il y a tout un tas de vices qui sont induits par l'inégalité sociale. Donc il n'y a pas de mystique du peuple, mais en même temps, si on prend le peuple en tant que tel, il est plus proche de la nature humaine, il est plus capable de sympathie parce que souffrant plus, étant plus pauvre, hein, plus malheureux, misérable, comme on disait avant, eh bien, il est plus sensible, dit Rousseau, à la souffrance humaine, tout simplement parce qu'il en fait l'expérience plus fréquente. Alors, s'il y a un peuple qui serait pas forcément idéal, mais un peuple qui correspond exactement, qui coïncide exactement avec sa nation et qui serait tout à fait à même de recevoir une constitution, hein, dans le texte qu'on a entendu, Rousseau disait, il est pour les nations comme pour les hommes un temps de maturité qu'il faut attendre avant de le soumettre à des lois. Eh bien, c'est la Corse. Figurez-vous, et Rousseau écrit dans un projet de constitution pour la Corse en 1763, où il écrit ceci, on demande un plan de gouvernement bon pour la Corse. C'est demandé plus que l'on ne croit. Il y a des peuples qui, de quelque manière qu'on s'y prenne, ne sauraient être bien gouvernés, parce que chez eux, la loi manque de prise, et qu'un gouvernement sans loi ne peut être un bon gouvernement. Tout au contraire, poursuit Rousseau, le peuple corse me paraît le plus heureusement disposé par la nature pour recevoir une bonne administration. Les Corses ont beaucoup gagné depuis qu'ils sont libres. Ils ont joint la prudence au courage, ils ont appris à obéir à leurs égaux, ils ont acquis des vertus et des mœurs. S'ils pouvaient d'eux-mêmes rester ainsi, je ne verrais presque rien à faire. Incroyable. Oui, parce que là on voit le Rousseau, alors pas le Rousseau législateur, sans doute pas, hein, mais le Rousseau très attentif aux conditions concrètes, effectives. Un peuple, bah il va pas être le même selon qu'il est près de la mer, dans les montagnes, dans les forêts, des petites villes, des grandes villes, etc. Et donc là, il analyse toutes les conditions presque morphologiques, hein, de ce peuple. Et qui en fait n'est pas indépendant, ça qui est drôle, c'est quand même oui. La Corse est toujours dépendante de la France. Oui, mais il y a un moment où il est possible que donc ce qu'il y a d'intéressant dans ces textes de Rousseau sur la Pologne ou sur la Corse, c'est en fait l'accent qui est mis sur les mœurs. Hein, c'est-à-dire que la loi, l'association, la volonté générale, tout ça c'est bien gentil, mais en fait sans mœurs républicaines, il n'y a pas de société. C'est-à-dire qu'elle très vite elle se défait. Très vite elle se défait parce que très vite l'intérêt particulier va détruire l'intérêt commun et très vite, comment dire, Oui, très vite, chacun va vouloir tirer la couverture à soi. Mmh. Et donc, le simple jeu de l'intérêt que nous avons tous à respecter la loi ne suffit pas à ce que nous la respections. Même si nous l'avons faite, même si elle est dans le but de l'intérêt commun, même si elle est bien faite. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Voilà. Rien n'est mieux fait que le code de la route. Et pourtant, combien de gens ne le respectent pas? Et pourtant, ce code de la route, c'est vraiment, il correspond à la loi. C'est-à-dire, il vise le bien commun, la sécurité. Il a pour unique fonction que nous ne mourions pas en voiture, la sécurité. Il est absolument égal que vous ayez une Porsche ou une deux chevaux, vous êtes obligé de vous arrêter au feu rouge. Et il n'empiète sur la liberté de personne. D'accord. Et il suffirait, donc il répond vraiment à l'intérêt commun. C'est notre intérêt à tous d'avoir un code de la route bien fait et d'y obéir. Et nous sommes libres pour autant que nous nous arrêtons au feu rouge, évidemment. Et pourtant, vous voyez, ça suffit pas. Il faut des mœurs. Il faut une bonne conduite. Il faut apprendre à conduire avec courtoisie et élégance parce que le simple respect de la loi ne suffit pas. S'il n'y a pas un éthos qui nous fait aimer la loi, alors la loi ne sera pas respectée, quand éthos, bien même elle serait parfaite. Comment on le transmet? D'où ça vient, les mœurs? Eh bien, ça vient par l'éducation. Ça, c'est le travail du législateur. C'est ce dont vous parlerez bientôt. Le travail du législateur, ça consiste à produire les conditions d'une opinion publique et d'une moralité publique telle que il va de soi qu'on respecte la loi dont on est l'auteur parce qu'elle est dans notre intérêt. Il y a du travail, mais merci de nous annoncer l'émission de demain et merci surtout d'être venu nous parler de Rousseau ce matin. Frédéric Brahmi, je renvoie à votre ouvrage justement qui parle de la raison du peuple qu'on mettra en ligne sur le site des chemins de la philosophie. On se quitte entre la Catalogne et la Corse avec un cha-cha, l'indépendance cha-cha de Grand Calais, Afrique. Indépendance cha-cha, aux oubliés, au Kinshasa. Les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. De quoi nous parlez-vous ce matin? Eh bien, c'est un marronnier dans le monde de la philosophie, parler de la philosophie pour les enfants. Ce journal s'y est consacré plusieurs fois, de l'atelier philo pour tout petit à la question de l'enseignement avant la terminale. Encore une fois, l'actualité éditoriale s'impose sur ce sujet avec deux livres et un film de Cécile Dangean, visible sur vos écrans demain. C'est le petit cercle des philosophes qui suit des ateliers philo et méditation par Frédéric Lenoir. Vous allez mettre votre attention sur votre respiration. Soyez attentif à ce que vous ressentez. S'il y a des idées qui viennent, des pensées, vous les laissez passer, vous ne les suivez pas, et vous revenez à la présence de votre corps. Et maintenant, vous prenez une grande respiration, et vous pouvez ouvrir les yeux, chacun à votre rythme. Quand vous avez envie d'ouvrir les yeux, vous ouvrez les yeux. Tu commences à t'endormir. Moi, j'ai ressenti que je connaissais rien. J'ai senti partout que c'était chaud. Et après, dans mon imagination, j'ai vu des carrés qui passaient devant moi. Tu as vu des choses, oui. Et après, à la fin, j'ai vu une omelette.